Le verbe italien qui correspond à devoir, qui exprime donc une obligation, mais qui a aussi d'autres sens tels que être censé faire telle ou telle chose, vous connaissez ce verbe, c'est dovere. Dovere. Donc, si vous voulez traduire par exemple je dois le voir, vous direz devo. Devo, oui. Vederlo. Devo vederlo, c'est ça. Voyons une autre phrase avec devoir. Traduisez, vous devez me le dire, avec le vous du vouvoiement. Deve dirmelo. Deve dirmelo, bien. Et si vous tutoyez votre interlocuteur, comment direz-vous tu dois me le dire? Devi dirmelo. Oui, mais attention à ne pas insister sur la dernière syllabe. Ce n'est pas du français, c'est de l'italien. Répétez le premier verbe, s'il vous plaît. Devi. Devi. Devi dirmelo. C'est ça. Dites maintenant, vous devez me le dire. Voi? Dovete dirmelo. Oui, très bien. Pour voi, on part de l'infinitif. Dovere, dovete. Dovete dirmelo. Et maintenant, passons à nous. Nous devons l'acheter. Pour trouver nous devons, inspirez-vous de avere. Nous avons. C'est le même principe. Dobbiamo. Bien. Dobbiamo. Comprarlo. Dobbiamo avec deux B. Dobbiamo, sur le même modèle que abbiamo, nous avons. Dobbiamo comprarlo, nous devons l'acheter. Comment diriez-vous, je devrais le faire, devrais au futur? Dovrò. Très bien. Farlo. Dovrò farlo, c'est ça. Au lieu de doverò, on a dovrò, on contracte. Dovrò farlo. Et il devra. Comment direz-vous par exemple, il devra être ici bientôt? Dovrà essere qui presto. Dovrà essere qui presto. Bien. Comment diriez-vous, il devrait être ici? Dovrà. Ça c'est il devra. Il devrait. Dovrebbe. Attention, vous avez insisté sur la fin du mot. Dovrebbe. Dovrebbe, c'est ça? Dovrebbe être ici. Dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere qui. Voilà. En italien, comme en français, devoir au conditionnel peut servir à donner un conseil. Tu devrais faire ceci, elle devrait faire cela, etc. Comment diriez-vous, par exemple, à une personne que vous voyez, vous devriez me le dire. Dovrebbe dirmelo. Dovrebbe dirmelo. Tout à fait. Maintenant, traduisez « je pense que tu devrais le faire ». Penso che... ce n'est pas penso, mais penso. On prononce toutes les lettres. Penso che... Tu devrais le faire. Devi farlo. Là, vous avez dit « je pense que tu dois le faire » et non pas « que tu devrais le faire ». Quelle est la terminaison qui correspond à « tu » au conditionnel? Comment dit-on « tu serais » Ça? Saresti. Saresti, c'est ça. Et donc, sur le même modèle, je pense que tu devrais le faire. Comment diriez-vous ça? Dovresti farlo. Penso che dovresti farlo. Penso che dovresti farlo. Oui. Donc, nous avons dovresti qui correspond à tout. Maintenant, si vous vous adressez à plusieurs personnes, c'est-à-dire à la forme voi, et que vous voulez leur dire, vous devriez le faire. Dovreste farlo. Dovreste farlo. D'accord. Et comment diriez-vous tu devrais l'acheter? Dovresti comprarlo. Oui, dovresti comprarlo. Resti est la terminaison du tu au conditionnel. Dovresti. Comment diriez-vous alors? Tu devrais me le dire. Dovresti dirmelo. Dovresti dirmelo. Bien. Et si vous parlez à plusieurs personnes à la forme voi, comment diriez-vous? Vous devriez venir avec moi. Dovreste venire con me. Dovreste venire con me. Absolument. Nous avons vu dovresti avec la terminaison resti qui correspond à tu et dovreste avec la terminaison reste qui correspond à voi. Et ça donne par exemple dovreste venire. Vous devriez venir. Maintenant, vous allez dire « il a dû attendre ». Ce « dû », nous l'avons déjà vu, mais très brièvement. Il se forme sur le même principe que « eu » de « avere ». Comment dit-on « j'ai eu » par exemple? « Oh, avuto ». ».« Oh, avuto », oui. Pour plonger dans le passé après « avere », si le verbe est un verbe en « are », la terminaison est « ato », comme dans « ho mangiato ». Si c'est un verbe en « ire », la terminaison est « ito », comme dans « ho finito », du verbe « finire ». Et si c'est un verbe en « ere », la terminaison est « uto », comme dans « ho avuto », ou dans notre exemple « il a dû attendre », qui se dit ha dovuto aspettare. Ha dovuto aspettare. Voilà.